La seconde nuit après mon interrogatoire, je vis le même inconnu rentrer chez moi. Mon premier mouvement fut d'appeler à haute voix les officiers de l'Inquisition. Je sentis néanmoins une espèce d'incertitude impossible à décrire, ne sachant s'il fallait me jeter dans les bras du Saint-Office ou dans ceux de cet être extraordinaire, plus formidable peut-être que tous les inquisiteurs du monde, depuis Madrid jusqu'à Goa. Je craignais de la supercherie des deux côtés. Je ne savais ce qu'il fallait croire ou penser. Entouré d'ennemis de toutes parts, j'aurais volontiers donné mon cœur à celui qui, le premier, aurait jeté le masque et déclaré franchement et ouvertement son inimitié. Après un peu de réflexion, je jugeai qu'il fallait me méfier de l'Inquisition et écouter ce que l'inconnu aurait à me dire. Je ne pouvais me détacher de l'idée qu'il était son agent secret. J'étais fort injuste envers les inquisiteurs. Sa conversation, cette fois, fut plus amusante que jamais, mais elle fut aussi bien digne d'exciter tous les soupçons du saint tribunal. À chaque phrase qu'il prononçait, je voulais me lever et appeler les officiers. Soudain, je me représentais l'étang rangé devenant mon accusateur et me désignant pour victime à leur colère. Je tremblais à l'idée qu'un seul mot pouvait me compromettre et me conduire par de longs tourments à la mort. Je gardais donc le silence, et je prêtais l'oreille à ce que me disait cet inconnu, à qui les murs de l'Inquisition ne paraissaient être que ceux d'un appartement ordinaire. Il était assis à mes côtés, aussi tranquillement que sur le fauteuil le plus voluptueux. Mes sens, mon esprit étaient si égarés que j'ai de la peine à me rappeler son discours. En voici un aperçu. Vous êtes prisonnier de l'Inquisition. Le Saint-Office est sans contredit établi dans des vues fort sages, et que des êtres faibles et pécheurs comme nous ne sommes pas en état de comprendre. Mais, autant que j'en puis juger, ces prisonniers ne sont non seulement insensibles aux bienfaits qu'ils peuvent retirer de sa vigilance, mais ils les reçoivent avec une ingratitude atroce. Vous, par exemple, qui êtes accusé de sorcellerie, de fratricide et de je ne sais combien de crimes encore, votre détention salutaire en ce lieu vous empêche d'outrager encore la nature, la religion, la société. Eh bien, je gage que vous éprouvez si peu de reconnaissance pour ces bienfaits, que votre plus ardent désir est de vous y dérober le plus promptement possible. En un mot, je suis convaincu que le vœu secret de votre cœur est de ne point augmenter le fardeau des obligations que vous avez au Saint-Office, mais au contraire de diminuer, autant qu'il dépendra de vous, la douleur que ces saints personnages éprouveront tant que vous souillerez leur mur de votre présence. Aussi ne demandez-vous pas mieux que d'y mettre un terme, longtemps avant celui qu'ils ont eux-mêmes fixé. Votre désir est de fuir les prisons du Saint-Office, s'il est possible. Vous savez que c'est là votre désir. Je ne répondis pas un mot. Cette ironie féroce et sauvage, le seul mot de fuite, m'inspirait une terreur impossible à décrire. L'inconnu continua. Quant à votre fuite, je m'y engage, et c'est plus qu'aucun pouvoir humain ne saurait faire. Mais vous ne pouvez ignorer quelle en sera la difficulté. Cette difficulté vous effrayera-t-elle? Hésitez-vous? Je continuai à garder le silence, il crut que je balançais. Vous croyez peut-être qu'en languissant ici dans les cachots de l'Inquisition, vous assurerez infailliblement votre salut. Il n'y a pas d'erreur plus absurde, et cependant plus enracinée dans le cœur de l'homme, que la pensée que ses souffrances dans le monde faciliteront son bonheur éternel. À ces mots, je me crus en sûreté. Je m'empressai de répondre que je sentais que j'étais convaincu que mes souffrances ici-bas serviraient, du moins en partie, à mitiger des châtiments que je n'avais que trop mérités dans l'avenir. J'avouais mes erreurs, je me confessais pénitent de mes malheurs, comme s'ils eussent été des crimes, et l'énergie de ma douleur, s'unissant à l'innocence de mon cœur, je me recommandais au Tout-Puissant avec une onction bien sincère. J'invoquais les noms de Dieu, du Sauveur et de sa Sainte Mère. avec les supplications les plus ardentes et la dévotion la plus vive. Je m'étais agenouillé. Quand je me levai, je regardai autour de moi. L'inconnu avait disparu. Quand je fus de nouveau interrogé, on commença par suivre les formes ordinaires. Puis on m'adressa des questions artificieuses, comme s'il avait été nécessaire d'user d'artifice pour me faire parler sur un sujet à l'égard duquel je ne demandais pas mieux que d'épancher mon cœur. Aussitôt que l'on m'eut dit un mot, je commençai ma narration, avec une ardeur et une sincérité qui auraient détrompé tout autre que des inquisiteurs. Je déclarai que j'avais été de nouveau visité par cet être mystérieux. Je répétai en tremblant chaque mot de notre dernière conférence. Je ne supprimai pas une syllabe des insultes qu'il avait prodiguées au Saint-Office, de l'acrimonie de ses sarcasmes, de son athéisme avoué, de sa conversation diabolique. Je m'appesantis sur les plus petits détails. J'espérais me faire un mérite auprès de l'Inquisition, en accusant son ennemi et celui du genre humain. Oh, qu'il est difficile de peindre le zèle avec lequel nous agissons entre deux ennemis mortels, dans l'espoir de nous concilier la faveur de l'un des deux. L'Inquisition m'avait déjà suffisamment fait souffrir, mais dans ce moment je me sentais abaissé devant elle. J'aurais sollicité la place du dernier de ses familiers, de l'exécuteur de ses sentences. En un mot, j'aurais souffert tous les maux qu'elle était capable d'infliger, pourvu que l'on ne me crût pas l'allié de l'ennemi des âmes. Quelle fut, hélas, ma douleur quand je m'aperçus que mes discours prononcés avec la sincérité, avec l'éloquence d'une âme combattant contre les démons, qui s'efforce de l'entraîner loin des routes de la miséricorde, que ces discours, dis-je, ne faisaient aucune impression. Les juges parurent frappés à la vérité du ton sérieux avec lequel je parlais. Ils ajoutèrent foi, malgré eux, pour un moment à mes paroles. Mais je ne tardai pas à découvrir que j'étais pour eux un objet de terreur. Ils semblaient ne me regardaient qu'à travers une atmosphère de mystère et de soupçon. Ils ne cessaient de me demander de nouveaux détails, de nouvelles circonstances. Enfin, ils voulaient apprendre de moi quelque chose qui était dans leur esprit et pas dans le mien. Plus ils prenaient de peine à arranger artificiellement leurs questions, plus elles me devenaient inintelligibles. J'avais dit tout ce que je savais, j'avais vraiment désiré tout dire, mais il ne m'était pas possible d'en dire davantage. Et je souffris d'autant plus de ne pouvoir remplir le désir de mes juges que j'ignorais absolument ce qu'ils voulaient de moi. Quand on me renvoya dans ma cellule, on me prévint de la manière la plus solennelle que si je négligeais désormais de me rappeler et de rapporter chaque mot que me dirait l'être extraordinaire dont il convenait qu'il ne pouvait empêcher les visites, je devais m'attendre à éprouver toute la sévérité du Saint-Office. Je promis tout ce que l'on exigeait de moi, et pour donner une preuve de ma sincérité, je suppliai que l'on voulût bien permettre que quelqu'un passât la nuit dans ma cellule, ou bien, si cela était contraire aux règles de l'Inquisition, qu'une sentinelle fût placée dans le corridor qui y communiquait, afin que je pusse, par un signal convenu, lui donner avis de l'arrivée de cet inconnu mystérieux dont les visites impies seraient à la fois découvertes et punies. En me laissant parler ainsi, on m'avait accordé un privilège tout à fait inusité dans le tribunal de l'Inquisition, où le prisonnier ne peut que répondre à des questions et ne doit jamais parler, à moins qu'on ne l'interroge. Ma proposition donna lieu cependant à une délibération, et quand elle fut terminée, je découvris avec horreur qu'il n'y avait pas un seul des officiers qui osa prendre sur lui de veiller près de ma cellule. J'y retournai dans une agonie inexprimable. Plus je m'étais efforcé de me justifier, plus je paraissais coupable. Ma seule ressource et ma seule consolation furent d'obéir strictement aux ordres du tribunal. Je veillai soigneusement toute la nuit. L'inconnu ne vint point. Vers le matin, je m'endormis. Mais hélas, de quel sommeil épouvantable! Les génies ou les démons du lieu où j'étais semblèrent avoir arrangé le songe qui occupa ma pensée. Je suis convaincu qu'une victime réelle d'un véritable auto-da-fé ne souffre pas plus pendant l'horrible procession qui le conduit aux flammes que je ne le fis pendant ce songe. Je crus que ma sentence était prononcée. La cloche avait sonné. nous quittions la prison de l'Inquisition. Je ne vous peindrai point cette procession dont sans doute vous avez lu ou entendu maintes descriptions effrayantes. Il suffit que je vous dise que je voyais tout dans mon songe avec la plus terrible exactitude. Il n'y manquait rien. Toutes les cloches sonnaient dans mes oreilles. Mais le sentiment le plus affreusement inexplicable, c'était de me voir passer moi-même. Je me voyais, je me sentais deux fois. Il m'est impossible de vous donner une idée de cette horreur. Je montai sur l'échafaud, on m'enchaîna à ma chaise. Je vis les feux s'allumer. Bientôt les flammes commencèrent à se faire sentir sous la plante de mes pieds. Elles montèrent peu à peu. Enfin, dans mon rêve, je brûlais à petit feu et j'éprouvais toutes les angoisses inséparables de cet état de douleur inouïe. Et quand mon corps fut complètement consumé, quand il ne fut plus qu'un monceau de cendres, je jetai un cri épouvantable et je me réveillai. Je me retrouvai dans ma prison. À mes côtés était assis mon tentateur, avec une impulsion à laquelle je ne pus résister. Une impulsion dictée par l'horreur de mon songe, je m'élançai à ses pieds, je m'écriai « Sauvez-moi !» Je ne sais, monsieur, et je ne crois pas que l'intelligence humaine puisse résoudre ce problème, si cet être indéfinissable avait le pouvoir d'influencer mes songes et de dicter à un témoin les images qui m'avaient poussé à me jeter à ses pieds dans l'espoir d'y trouver ma sûreté. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il profita de ma terreur, moitié imaginaire, moitié réelle, et il commença par vouloir me détromper qu'il avait en effet le pouvoir de me sauver des mains de l'Inquisition. Il me proposa ensuite une condition épouvantable que je ne communiquerai jamais à personne qu'à mon confesseur. Ici, Melmotte ne put s'empêcher de se rappeler cette condition incommunicable qui avait été proposée à Stanton dans l'hospice des aliénés. Il frémit et se tut. L'Espagnol continua. À l'interrogatoire suivant, les questions furent plus sérieuses et plus pressantes encore. Mais comme je ne demandais pas mieux que de parler, toutes les formes d'un interrogatoire inquisitorial ne nous empêchèrent pas de bientôt nous entendre. Je voulais atteindre mon but, et il n'avait rien à perdre en m'y laissant arriver. Je confessais sans hésiter que j'avais revu cet être mystérieux qui pouvait pénétrer dans les réduits les plus cachés du Saint-Office, sans permission et sans empêchement. Les juges tremblaient sur leur siège pendant que je prononçais ces paroles. Je répétai ensuite tout, absolument tout ce qui s'était passé entre nous, à l'exception de cette seule proposition que j'avais résolue, comme je viens de vous le dire, de ne jamais révéler à qui que ce fût. On voulut exiger de moi que je continuasse. Je m'y refusai. Les juges se parlèrent à l'oreille. Il me semblait qu'ils délibéraient entre eux pour savoir s'ils me feraient donner la question. Dans cet intervalle, je jetai un regard triste et inquiet autour de la salle où je me trouvais. Et sur le fauteuil du grand inquisiteur, au-dessus duquel s'élevait un énorme crucifix de 13 pieds de haut, tout à coup, j'aperçus un personnage assis devant la table qui était couverte d'un drap noir. Il faisait l'office de greffier et mettait par écrit les dépositions des accusés. Quand on me conduisit auprès de cette table, ce personnage me regarda d'un air de connaissance. C'était le compagnon de ma fuite. Il était devenu l'un des familiers de l'Inquisition. Je perdis tout espoir quand je vis son œil féroce et perfide, qui ressemblait à celui du tigre ou du loup guettant leur proie. Il me lançait de temps à autre des regards sur lesquels je ne pouvais me méprendre, et que cependant je n'osais interpréter. J'ai lieu de croire que ce fut lui qui dicta la terrible sentence que j'entendis prononcer. « Vous, Alonso de Mansada, moine, professe de l'ordre de, accusé des crimes d'hérésie, d'apostasie et de fratricide ?»« Oh non, non » m'écriai-je, mais personne ne fit attention à moi. « Et de conspiration avec l'ennemi du jour une main contre la paix de la communauté dans laquelle vous aviez prononcé le vœu de vous consacrer à Dieu ?» Et contre l'autorité du Saint-Office, accusé en outre d'avoir communiqué dans votre cellule, située dans les prisons du Saint-Office, avec un messager infernal de l'ennemi de Dieu, de l'homme et de votre âme elle-même, convaincu sur votre propre aveu d'avoir donné accès dans votre cellule à l'esprit infernal, est, par la présente livrée à... Je n'en entendis pas davantage. Je jetai un cri, mais ma voix fut étouffée par les murmures des familiers. Il me semblait que le crucifix se balançait, que la lumière de la lampe était multipliée à l'infini. Je levai les mains en signe de supplication. Des mains plus fortes que les miennes me les firent baisser. Je voulus parler, on me ferma la bouche. Je me mis à genoux. On allait m'entraîner quand un vieux inquisiteur, ayant fait un signe aux familiers, on me laissa un moment de liberté. Il m'adressa pour lors ces paroles, rendues plus terribles par la sincérité avec laquelle il parlait. Son âge, son action soudaine m'avaient fait espérer de la miséricorde. Il était aveugle depuis plus de 20 ans. Voici ce qu'il me dit. « Misérable, apostat, excommunié, je rends grâce au ciel de m'avoir privé de la lumière, puisqu'il m'épargne par là l'horreur de te contempler. Le démon t'a poursuivi depuis ta naissance, tu es l'enfant du péché, illégitime et maudit. Tu fus toujours un fardeau pour l'Église, et maintenant l'esprit infernal vient te réclamer contre sa propriété, et tu le reconnais comme ton seigneur et maître. Va, âme damnée, nous te livrons au bras séculier. Nous espérons qu'il ne te traitera pas avec trop de sévérité. » À ces mots affreux, dont je ne comprenais que trop bien le sens, je poussai un cri d'horreur. On m'emmena, et ce cri, pour lequel j'avais épuisé toutes les forces de la nature, ne fit pas plus d'impression que ceux des misérables livrés à la torture. Rentré dans ma cellule, je me sentis convaincu que tout ce qui m'était arrivé n'avait été qu'une ruse inquisitoriale, pour me forcer de m'accuser moi-même et me punir pour un crime, tandis que je n'étais coupable que d'une confession extorquée. Plus j'y réfléchissais, plus je détestais mon aveugle et sotte crédulité. Comment avais-je pu croire qu'un étranger pût pénétrer dans les prisons de l'Inquisition et les traverser à son gré sans être découvert? Qu'il pût s'entretenir avec les prisonniers, paraître et disparaître, insulter, railler, blasphémer, proposer les moyens de fuir, les indiquer avec une précision et une facilité qui ne pouvaient être que le résultat d'un calme et profond calcul. Et cela dans les murs de Saint-Office, en présence, pour ainsi dire, des juges, à l'oreille du garde qui, jour et nuit, veillait dans les passages. La chose était ridicule, monstrueuse, impossible. C'était un complot pour me forcer à me condamner moi-même. L'inconnu n'était qu'un agent de l'Inquisition. J'étais mon propre délateur et mon propre bourreau. Telle fut la conclusion de mon raisonnement, et quelque triste qu'elle fût, on doit avouer qu'elle n'était que trop probable. Il ne me restait plus qu'à attendre dans l'obscurité, dans le silence de ma cellule, le terme fatal de ma destinée. L'entière cessation des visites de l'étranger, depuis que ces visites étaient devenues inutiles, me confirmait de plus en plus dans l'idée que je m'en étais formé. Tout à coup, il arriva un événement dont les suites trompèrent à la fois mes craintes, mes calculs et mes espérances. Je veux dire le grand incendie qui se déclara dans les prisons du Saint-Office vers la fin du dernier siècle. Ce fut la nuit du 29 novembre 1700 qu'arriva cet événement extraordinaire et qui était doublement par les précautions que le Saint-Office prenait contre un pareil accident et par la petite quantité de combustible qui se consommait dans ces murs. Au premier avis que les flammes gagnaient rapidement et que l'édifice était en danger, on ordonna de transporter les prisonniers de leurs cellules dans une cour pour y être gardés. Je dois avouer que nous fûmes traités avec beaucoup d'humanité et d'égard. On nous fit sortir tranquillement de nos cellules. Chacun de nous fut placé entre deux gardes, qui n'usèrent d'aucune violence, ne nous faisant entendre aucun langage sévère. Ils nous assurèrent au contraire de temps à autre que si le danger devenait imminent, on nous permettrait de nous sauver sans chercher à nous retenir. Le tableau que nous formions était digne d'occuper le pinceau d'un artiste. Nos tristes vêtements et nos pâles regards contrastaient avec les regards des gardes et des familiers, non moins sombres, mais imposants et imprimant le respect. Notre marche était éclairée par la lumière des torches, qui s'affaiblissait à mesure que les flammes s'élevaient sur nos têtes et se déroulaient en tourbillons sur le faîte de l'édifice. Le ciel était en feu. Je crus voir le tableau du dernier jour. Il me semblait que Dieu descendait dans la lumière qui enveloppait les cieux, tandis que nous pâlissions de terreur à la faible lueur qui nous éclairait. Parmi les prisonniers se trouvaient des pères et des fils, qui peut-être habitaient depuis plusieurs années des cellules voisines sans le savoir, et qui maintenant n'osaient se reconnaître. N'était-ce pas en effet là le jour du jugement, quand les plus proches parents se retrouvent les uns parmi les brebis et les autres parmi les boucs? Il y avait aussi des parents et des enfants qui ne craignaient point d'étendre leurs bras décharnés les uns vers les autres, quoique convaincus qu'ils ne se réuniraient jamais, les uns étant condamnés aux flammes, les autres à l'emprisonnement, les autres enfin à une peine mitigée qui consistait à remplir les devoirs des familiers de l'Inquisition. C'était encore là le tableau du jugement dernier, quand le père et le fils, destinés à des sorts différents, éprouveront pour la dernière fois un mouvement d'affection mortelle, et se tendront les bras en vain par-dessus le gouffre de l'éternité. Derrière et autour de nous se tenaient les familiers et les gardes de l'Inquisition, contemplant attentivement le progrès des flammes, mais sans inquiétude sur l'événement quant à ce qui les regardait eux-mêmes. Tels seront sans doute les sentiments de ces esprits éternels qui écoutent l'arrêt du Tout-Puissant et qui connaissent déjà la destinée des âmes qu'ils surveillent. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je pousse plus loin là la comparaison. Le secours arrivait lentement. Les Espagnols sont naturellement indolents. Les pompes agissaient mal. Le danger augmentait. Et les flammes s'élevaient toujours plus haut. Paralysés par la terreur, les pompiers se mirent à genoux et implorèrent l'assistance de tous les saints du paradis. Toutes les cloches de Madrid sonnaient. Tous les alcades étaient de service. Le roi lui-même arriva au lieu de l'incendie. Les églises étaient pleines de dévots qui envoyaient au ciel leurs supplications. Tout cela n'empêchait pas les progrès du feu. Je suis sûr que 20 pompiers habiles se seraient rendus maîtres de l'incendie, mais les nôtres étaient à genoux quand il aurait fallu travailler. Cependant, les flammes commencèrent à descendre dans la cour, et ce fut alors que s'offrit un tableau d'une horreur impossible à décrire. Les malheureux qui avaient été condamnés s'imaginèrent que l'horreur était venue. Devenus imbéciles par la longueur de leur détention, et aussi soumis que le Saint-Office pouvait le désirer, le délire les saisit quand ils virent approcher les flammes. Ils s'écrièrent à haute voix « Épargnez-moi, épargnez-moi, faites-moi souffrir le moins que vous pourrez !» D'autres, se mettant à genoux devant les flammes, les invoquaient comme des saints. Ils croyaient voir des anges et la Sainte Mère de Dieu qui descendait pour recevoir leurs âmes au sortir du bûcher. Et ils chantaient « Alléluia !» moitié par crainte, moitié par espérance. Pendant cette scène de désolation, les inquisiteurs restaient fermes et impassibles. C'était une chose admirable à voir. Leurs pieds ne bougeaient pas. Leurs regards ne donnaient aucun signe d'effroi. Ils paraissaient n'avoir d'autres principes ou motifs d'existence que leur inflexible devoir. Ce fut dans ce moment que, debout au milieu du groupe des prisonniers, mes yeux furent frappés d'un spectacle extraordinaire. C'est peut-être dans le moment du désespoir que l'imagination a le plus de pouvoir. Il est certain que l'homme qui a beaucoup souffert peut le mieux sentir et le mieux décrire ses sensations. À la lueur des flammes, le clocher de l'église des Dominicains se voyait aussi distinctement qu'en plein jour. Cette église n'est pas éloignée des bâtiments de l'Inquisition. La nuit était extrêmement obscure et ce clocher brillait comme un météore dans le ciel. Je distinguais même sans peine l'heure que marquaient les aiguilles, et le progrès calme et silencieux du temps au milieu du tumulte et de la confusion qui régnait dans cette nuit horrible aurait pu m'offrir matière à de profondes et singulières réflexions, si mon attention n'avait pas été comme enchaînée à la vue d'une figure humaine, placée sur le sommet de la flèche du clocher, et qui contemplait cette scène dans une tranquillité parfaite. Il était impossible de se tromper à la vue de cette figure. C'était celle de l'inconnu qui était venu me voir dans les cellules de l'Inquisition. L'espoir de me justifier me fit oublier tout le reste. J'appelai à haute voix les gardes, et montrant du doigt cette figure, je les priai d'y jeter les yeux. Mais personne n'eut le temps d'y porter les regards. Dans ce moment même, la voûte de la cour, vis-à-vis de nous, s'écroula à nos pieds, avec un fracas épouvantable et au milieu d'un océan de flammes. Un seul cri sortit de toutes les bouches. Prisonniers, gardes, inquisiteurs frémirent tous, et ne formèrent plus qu'un groupe réuni par l'effroi. L'instant d'après, les flammes étant momentanément étouffées par une si vaste masse de pierre, il s'en éleva une épaisse nuée de fumée et de poussière qui permettait à peine de distinguer les traits de la personne placée à vos côtés. La confusion fut augmentée par le contraste de cette obscurité soudaine avec l'éclat de la lumière qui nous avait comme aveuglés pendant près d'une heure, ainsi que par les cris des malheureux blessés ou estropiés par la chute de la voûte. Au milieu de ces cris, de ces ténèbres et de ces flammes, je vis devant moi un espace libre. La pensée et le mouvement furent simultanés. Nul ne me voyait, nul ne songeait à me poursuivre. Et longtemps avant que l'on pût remarquer mon absence ou me chercher, j'avais traversé les décombres et géré en secret et en sûreté dans les rues de Madrid. Tout péril paraît léger à celui qui vient d'échapper à un péril extrême et imminent. Le malheureux qui s'est sauvé d'un naufrage est indifférent à l'égard de la côte où il aborde. Et quoique Madrid ne fût pour moi qu'une prison un peu moins étroite que l'Inquisition, l'idée que je n'étais plus entre les mains des familiers m'occasionna un sentiment vague, mais délicieux, de sécurité. Si j'avais réfléchi un moment, j'aurais su que mon costume et mes pieds nus devaient me trahir partout où j'irais. Quoi qu'il en soit, la conjoncture m'était favorable. Les rues étaient désertes. Tous les individus qui n'étaient pas dans leur lit remplissaient les églises, où ils s'efforçaient par leurs prières de désarmer la colère du ciel et d'obtenir l'extinction des flammes. Je continuai à courir, sans savoir où j'allais, jusqu'à ce que les forces me manquassent. L'air pur que je n'avais pas respiré depuis longtemps, après m'avoir ranimé dans le premier moment, ne tarda pas à me couper la respiration. Je vis un édifice devant moi. Ses larges portes étaient ouvertes. Je m'y élançai. C'était une église. Je tombai haletant sur le pavé. J'étais dans la nef, séparée du chœur par une grille en cuivre doré. Je vis les prêtres à l'autel et un petit nombre de dévots à genoux dans le chœur. Une faible lumière éclairait l'église et y répandait une teinte mélancolique et silencieuse qui contrastait vivement avec la scène que je quittais. Je n'osais entrer dans ce lieu. Aussitôt qu'il me fut possible de faire un mouvement, je me levai et je quittai le monument sépulcral sur lequel je m'étais appuyé. Dans ce moment, la lumière parut augmenter malicieusement. Elle me permit de lire l'inscription. Je vis les mots « Orate pro anima », etc. J'arrivai au nom. C'était Juan de Monchada. Je m'élançai hors de l'église, comme si j'avais été poursuivi par un bataillon de démons. C'était sur le tombeau prématuré de mon frère que je m'étais reposé.